qu'ils ont l'âme grise, que leur rire apprivoise et des clochers d'église, de granit et d'ardoise, parce qu'ils ont des rivières, des forêts, des montagnes, débordées par trois mers, des joyaux de campagne, parce que leurs murs de pierre les font tenir debout, et qu'un Jésus s'enterre les amis à genoux. J'aime les Français tout, les Français même, les Français que je n'aime pas. J'aime les Français tout, les Français même, les Français que je n'aime pas. Parce qu'ils ont de l'enfer une autre religion, et que ce sont leurs femmes qui règnent à la maison. Parce qu'ils ont décidé d'être une république, bien que toutes leurs idées se perdent en politique. Mais parce que l'un d'entre eux a dit cette phrase immense: ma liberté s'arrête où la vôtre commence. J'aime les Français tout, les Français même, les Français que je n'aime pas. J'aime les Français tout, les Français même, les Français que je n'aime pas. La même histoire, les mêmes images en mémoire, la même enfance, les mêmes souvenirs qui dansent, les mêmes passions quand elles passent, quand elles s'en vont, les mêmes secrets et rester les mêmes à jamais. Et se font musulmans